C'était dimanche un peu sévère, tapis rouge pour la dernière, première des dernières fois, où rame la dame Jacques. Là où rame la dame Jacques, tous les gens de son pays sont bien là en cortège, à les paradons en noir, pour ce rendez-vous galant. Toi les chrysanthèmes, tu t'y poses et tu l'aimes. C'est la dernière demeure de la dame Jacques. C'est la dernière demeure de la dame Jacques. C'est la dernière demeure de la dame Jacques. Non taillée dans le rock, ou bien dans la chanson, ou la technoparade, mais plutôt dans le charbon, que ces perconnés aux terres, bien loin de l'Italie, défilent au Negeni Pride en s'approchant doucement. De la dernière demeure de la dame Jacques. De la dernière demeure de la dame Jacques. De la dernière demeure de la dame Jacques. La dernière demeure de la dame Jacques. C'est la dernière demeure de la dame Jacques. C'est la dernière demeure de la dame Jacques. C'est la dernière demeure de la dame Jacques.